بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد واليوم معنا الدرس الثاني بعد المئة. Aujourd'hui le cours numéro 102 dans l'explication du livre du chapitre de la prière, toujours dans le sous-chapitre lié à Al-Janaza. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, an il Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal, asri'u bil janaza, fa innaha in taku salihatan fa khayrun tuqaddimunaha ilayh, wa in taku siwa dhalik fa sharrun tada'unahu an riqabikum. Donc selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, accourez, faites vite avec la genèse. Faites vite avec la genèse. Car si celle-ci est pieuse, khayrun tuqaddimuna ilayhi, vous amenez celle-ci vers un bien. Si celle-ci est pieuse, alors vous l'amenez vers un bien. Et si elle n'est pas pieuse, si elle n'est pas pieuse, alors donc c'est une. C'est donc une. Si elle n'est pas pieuse, alors vous allez vous décharger d'un mal. Vous allez vous décharger d'un mal. وهذا الحديث فيه الأمر بالإسراء بالجنازة. Il y a dans le hadith, comme on l'a compris clairement, le fait qu'il est recommandé ou obligatoire, on verra plus tard, inshallah ta'ala, de faire vite avec la janaza lorsque la personne est morte, et donc il faut faire vite pour préparer et enterrer la personne. Qu'est-ce qui est voulu par là? Est-ce que c'est le fait de marcher vite ou autre? On le verra par la suite aussi, inshallah ta'ala. Wal ilatu fi dhalik an al mayyit in kana salihatan fa nuqaddimuhu ila khayr. Et la raison pour cela, pour laquelle on doit faire vite, c'est que cette personne, si elle est pieuse, alors nous nous précipitons pour amener cette personne vers un bien. Cette personne attend son bien. Certes, vous savez, antum ta'lifun anna al-mayyit fi qabrihi yara maq'adahu min al-jannah. Vous savez que le mort, dans sa tombe, s'il va au paradis, alors il voit déjà sa place du paradis alors qu'il est dans sa tombe. Il voit déjà sa place du paradis alors qu'il est dans sa tombe. Et donc c'est un bien, on le rapproche, on, c'est un bien, donc on fait vite pour l'amener vers ce bien. Wa in lam yakun kadhalik, et s'il n'est pas pieux, fa qad adda al-muslimun ma yajib alayhim. S'il n'est pas pieux, alors les croyants, ils ont accompli leur obligation quant au fait de laver et d'enterrer les morts parmi les musulmans. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنازة إذا حملت تقول بصوت يسمعه كل من خلق الله إلا الجن والإنس فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. البخاري a cité dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes la janaza lorsqu'elle est portée, elle dit d'un son que tout ce que Allah a créé entende, sauf les djinns et les hommes. Tous ils l'entendent sauf les djinns et les hommes. Si cette genèse est pieuse, alors elle dira, faites-moi avancer, allons-y, Côte d'Imouni. Mais par contre, si celle-ci n'est pas pieuse, alors elle dira, oui, là, malheur à celle-ci. Où vont-ils avec celle-ci? Où vont-ils avec cette genèse? Et donc, tous entendront ce son, sauf les êtres humains, et s'ils l'entendent, alors ils seront, et celui qui l'entend est foudroyé. وفي هذا التذكير بالموت في هذا التذكير بالموت فيه حث الإنسان على طاعة ربه. Il y a dans ce rappel concernant la mort il y a le fait d'inciter l'être humain à obéir à son Seigneur. فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يَعْلَمُ مَيْتَ سَيُحْمَلُ. Aucun d'entre nous ne sait quand il sera porté, quand il sera lavé, quand il sera enterré, tu ne sais pas. Alors efforce-toi d'être tout le temps obéissant pour ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. ثُمَّ مَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْإِسْرَى. Ensuite, qu'est-ce qui est voulu par cette précipitation, le fait de faire vite? Qu'est-ce qui est voulu par là? اِخْتَلَفَتِ الْعُلَمَا هَلِ الْمُرَادُ أَنَّنَا نُسْرِعَ فِي تَجْهِيزِ الْجَنَازَةِ أَوْ أَنَّنَا نُسْرِعَ بِالْمَشِي. Est-ce que ce qui est voulu par là, c'est que nous devons faire vite quand on prépare cette genèse? Ou alors, est-ce qu'on doit faire vite, c'est-à-dire quand on marche? Quand on marche. اختلفت العلماء والنووي رحمه الله رجح كما في شرح صح في شرحه على صحيح مسلم أن المراد بذلك الإسراع بالمشي. الإمام النووي الحافظ النووي رحمه الله dans l'explication de صحيح مسلم il stipule que la vie le plus juste c'est ce qui est voulu par là c'est le fait de faire vite lorsqu'on marche avec le mort pour l'enterrer. ولكن الظاهر من الحديث والله أعلم أن المراد هو الإسراع بالتجهيز والمشي الأمرين. Cependant, ce qui apparaît du hadith, wallahu a'lam, et Allah est plus savant, c'est que ce qui est voulu ici, c'est le fait de faire vite dans la préparation du mort, mais aussi dans le fait de le porter lorsqu'on marche avec lui. Les deux ensemble. وَهُوَ إِخْتِيَارُ شَيْخِنَا هُوَ إِخْتِيَارُ شَيْخَيْنَا الْعَلَّامَ عَبْدِلَى الْبُخَارِي وَكَذَلِكَ الشَّيْخَ رَفَاتِ. C'est le choix donc de nos deux enseignants, le Cheikh Abdullah al-Bukhari ainsi que le Cheikh Arafat, dans leur explication de ce livre, Umdat al-Ahkam. وأما المشي فقد ذكر العلماء أنه لا ينبغي أن يكون في ذلك إفراط يؤدي إلى ضرر لجثة الميت أو لمن يتبع الجنازة من الضعفاء وغيرهم. Et en ce qui concerne le fait de marcher vite lorsqu'on porte le mort, les savants ils ont cité que il n'est pas convenable que cet acte, lorsqu'on marche vite, il y ait une exagération en cela, une exagération qui va entraîner un danger, un mal pour le corps du mort ou pour ceux qui suivent cette genèse. Pour ceux qui suivent le cortège, il se peut qu'il y ait des faibles qui n'arrivent plus à suivre. Fayaktaoun, alors ils arrêtent. Pourquoi? Parce qu'on va trop vite. Et donc il ne faut pas non plus exagérer dans cela. وهذا الإسراع هو الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملا بسنته. Et donc le fait d'aller vite, de faire vite, de marcher vite pour enterrer le mort, c'est ce que faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en œuvrant avec sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Wa antum taraun an-nas al-an. Et vous voyez les gens maintenant. Vous voyez comment c'est on va lentement. An-nas yamshuna bibat. Ils marchent très lentement lorsque ils vont enterrer un mort. Wa qad إن نصحتهم بالإسراع قد يضربونك. Si tu les conseilles de faire vite, il se peut qu'ils te frappent. Quand il dit أنت لا تحترم أهل هذا الميت, ils te diront tu ne respectes pas la famille de ce mort. Laisse-les profiter un peu de lui. Laisse-les profiter un peu de lui ces derniers instants. Et toi tu es là, tu veux appliquer la sunna. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a abordé ce sujet avec les gens de son époque à lui. Pas les gens de notre époque, les gens de son époque. Il dit أن هذا البطء الذي عليه الناس في الجنازة بدعة متضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, il y a dans cette lenteur, la lenteur qu'ont les gens dans la préparation de la genèse, dans le fait de marcher lentement avec la genèse, il y a en cela une innovation qui comprend le fait de ressembler aux gens du livre et de façon plus spécifique, les juifs. De façon plus spécifique, les juifs. وهذا أيها الإخوة يؤكد أهمية تعلم الدين. Cela confirme et appuie l'importance d'apprendre notre religion. Les gens ne savent pas ça. Ils ne savent pas, si tu leur dis, il faut faire vite, ils vont te dire, ah, qu'est-ce qu'il a lui, il est pressé, qu'est-ce qui lui arrive comme ça? Alors qu'ils ne savent pas que c'est ça la sunna. Ils ne savent pas que si on ouvre le livre Sahih al-Bukhari, hein, celui que les savants disent, le meilleur livre après le livre d'Allah, si tu ouvres Sahih al-Bukhari, tu verras marqué Babu al-Isra'i bil Janaza. Le chapitre concernant le fait de faire vite avec la Janaza. Sahih al-Bukhari. Et donc c'est un sujet qui est connu normalement, mais non. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas. On ne reste pas assez dans les assises de science. On a du mal à supporter cela. On veut apprendre sur YouTube les petits cours qui durent 3 minutes. Maintenant, plus on diminue la durée du cours et plus il y a des gens qui acceptent. Hein? Parce que c'est ça. On a du mal quand ça. On a du mal à apprendre en fait, tout simplement. On a du mal à apprendre, il faudra sortir bientôt des cours en 2 minutes. 2 minutes, Inch'Allah, t'as appris une messe, elle rentre aussi, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, allez tiens, le frère il est content, il croit que c'est comme ça qu'il apprend sa religion. Non! Il faut que tu accordes du temps à la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de la même façon que tu accordes du temps à tes sujets mondains. ثُمَّ لِيُعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَا ذَكَرُوا مِنْ شُرُوطِ هَذِهِ السُّرْعَ القطع ذكروا القطع بموت الشخص. Les savants ont cité parmi les conditions quand on va vite, quand on fait vite pour enterrer ce mort, il faut parmi les conditions ils ont cité le fait d'être sûr que la personne soit bien morte. C'est pas on a vu le frère qui a fait une convulsion ou autre, il est là vite ça c'est bon allez on fait le rousse. Non. On s'assure que le frère il soit mort, il faut ramener un médecin, chacun à sa place. Hein, ça c'est sûr, ça c'est très important, chacun à sa place, c'est pas à tout le monde de prendre ce genre de décision. Comme c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, il y en a un qui a eu un arrêt cardiaque, c'est mon père qui m'a appelé pour m'en parler d'ailleurs, et tout le monde pensait qu'il était mort, tout le monde pensait que c'était fini. Mais non, quelques instants après, il est revenu. Quelques instants après, même je dirais même quelques heures après. C'est possible. Et donc, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Ce sont les professionnels qui décident de ce genre de choses. Barakallahu fikum. Chacun reste à sa place. Et aussi, les savants, ils ont cité le fait de ne pas faire de tort à ce mort. On ne fait pas de tort au mort comme certains, comme on peut le voir parfois, surtout avec les agences. Hein, les agences qui sont responsables de faire le lavage mortuaire, de préparer le linceul, et ensuite d'envoyer le mort au bled. Parce que parfois, ben, ils ont plusieurs morts à laver dans la journée, il faut faire vite, allez hop, le karcher. Pour laver le mort, on va plus vite, bah, un bon coup de karcher, c'est fini, next, suivant. Et donc, il faut faire très attention, chacun d'entre nous, il faut qu'on fasse attention à qui on confie le corps de nos proches. À qui tu confies le corps de ton père, de ta mère? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps, il faut faire vite. C'est un commerce. C'est un commerce. On doit faire attention, les frères, ce sont nos proches. On doit faire attention à cela. ثم ذكر الحافظ النووي رحمه الله الإجماع على استحباب الإسراع بالجنازة. Al-Hafid al-Nawawi rahimahullah, il a cité l'unanimité quant au fait qu'il est recommandé de faire vite avec la Genèse. Ce n'est pas une obligation. Attention, on n'a pas parlé de faire lentement comme on fait aujourd'hui. Là, on a parlé de faire vite. Faire vite, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Ibn Hazm rahimahullah, lui, il voit que c'est obligatoire. En se basant sur ce hadith qu'on voit aujourd'hui. Il voit que c'est obligatoire, mais as-sahih wa as-sawab an al-mas'ala mujma'un 'alayha, la vie le plus juste c'est qu'il y a unanimité sur ce sujet et qu'Ibn Hazm il est venu après l'unanimité. Taïb, on a un problème maintenant. il est recommandé de faire vite pour la genèse. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité que le fait de faire lentement, il y a en cela une ressemblance aux juifs. T'as l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il s'est passé? Ça allait vite ou ça allait lentement? Ça allait très lentement, ça a pris plusieurs jours. Ça a pris plusieurs jours. Alors, c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le problème pour le... Il y a plusieurs causes qui ont fait que les compagnons ils ont tardé. Ils n'ont pas fait exprès de tarder, mais il y a eu des causes qui ont fait qu'ils ont tardé. Premièrement, ikhtiyar al-khalifa ba'd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait de choisir qui sera le gouverneur après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont divergé sur ce sujet. Thumma ba'd dhalika ikhtalafu fi ruslihi. Ils ont divergé concernant le lavage du prophète. Est-ce qu'on doit le laver avec ses vêtements ou pas? Ensuite, ils ont divergé concernant son enterrement. Où est-ce qu'on l'enterre? Est-ce qu'on l'enterre comme tout le monde au baqir, dans le cimetière? Ou est-ce qu'il doit être enterré à l'endroit où il est mort? Et donc, il y a eu énormément de sujets de divergence qui ont fait que les compagnons ont tardé. Mais ils ne l'ont pas fait volontairement. Et donc, on ne dit pas « Annahu yustahabbu at-ta'khir fi dafn al-mayyit ». On ne dit pas qu'il est recommandé de faire lentement et de tarder dans l'enterrement du mort. On ne dit pas cela. Pourquoi? Parce que les compagnons, les textes de façon générale nous montrent qu'il faut faire vite. Et ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est arrivé parce que les compagnons, ils ont divergé sur plusieurs sujets, mais ils n'ont pas tardé de façon intentionnel. Ensuite, un dernier sujet. Les savants, ils ont divergé concernant le fait de marcher lorsqu'on suit la Genèse. Hal namshi amamaha aw khalfaha aw an yaminiha aw an shimaliha? Est-ce qu'on doit marcher devant le cortège ou derrière ou à droite ou à gauche? On suit. Et donc derrière. هذا قول أبي حنيفة. Ça c'est l'avis donc d'Abu Hanifa rahimahullah qui cite que le mieux c'est de marcher derrière le cortège. Pourquoi? Il se base sur un hadith qui a été rapporté de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui dit fadlu al-mashi khalfaha ala al-mashi amamaha ka fadli salati al-jama'a ala salati al-fadh. Il dit les mérites, donc Ali ibn Abi Talib, il a été rapporté de lui qu'il a dit les mérites qu'il y a entre celui qui marche derrière la genèse et celui qui marche devant elle sont comme les mérites, donc les mérites qu'il y a entre la prière commune et la prière de celui qui prie seul. Et donc il est mieux de marcher derrière que de marcher devant. Sauf qu'il y a dans ce hadith, dans la chaîne de transmission, il y a un homme inconnu. Et vous savez que dans les chaînes de transmission, à partir du moment où il y a un rapporteur qui est inconnu, la chaîne de transmission n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'on sache qui il est. Le deuxième avis qui est l'avis de Anas ibn Malik, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas, lui, il voit que peu importe, antatamshi amamaha ou khalfaha, an yamin, an shimal, peu importe l'endroit où tu marches, dès que tu suis la genèse, donc devant, derrière, à droite ou à gauche, il n'y a pas de différence. Il a été rapporté de lui dans Sahih al-Bukhari qu'il a dit radiallahu anhu, antum mushayyi'un, imshi amamaha, imshi bayna yadayha ou khalfaha. Et donc, vous êtes perdu. Marche devant ou derrière, ou à droite ou à gauche, peu importe. Et donc, ça, c'est l'avis de Anas ibn Malik radiallahu anhu. Qawl al-jumhur, la majorité des ulémas. Al-Malikiyya, al-Shafi'iyya, al-Hanabila, wa qawl Abi Bakrin wa Umar. Leur avis, c'est que tu marches amam al-janaza. لأنه هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر. Pourquoi? Parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ainsi que Abu Bakr et Omar. Et les savants ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la yatrukul afdol. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaisse pas ce qui est mieux. Et donc ils nous disent le mieux, c'est de marcher devant la janaza. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.